الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ماذا ينتظر من لم يحج فريضته بعد أن سمع الآيات والأحاديث النبوية في الأمر به؟ أينتظر أن يفاجئه الموت وهو لم يؤدي فريضته بعد؟ أم ينتظر حتى يبتلى بمرض أو كبر يقعدانه فلا يستطيع الحراك؟ أم ينتظر الفقر والحاجة بعد وجود النفقة والمال؟ إن امتثال أمر الله تعالى بالمسارعة إلى المغفرة والجنة إنما يكون بالمبادرة والعجلة إلى الطاعات من فرائض ومستحبات قبل نزول الموت وحلول الأجل وحصول ما يعوق من ما يعوق من مرض أو كبر أو حبس أو فتن أو حروب. ألم يسمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. فالحذر، الحذر عباد الله من التكاسل عن أداء فريضة الحج مع وجود الصحة والعافية وحصول الميسرة في الرزق وتوافر الأمن في الطريق. كيف تطيب نفس المؤمن أن يترك الحج مع قدرته عليه بماله وبدنه، وهو يعلم أنه من فرائض الإسلام وأركانه؟ فاتقوا الله يا عباد الله، وأدوا ما فرضه الله عليكم من الحج تعبدا لله تعالى ورضا بحكمه وسمعا وطاعة لأمره إن كنتم مؤمنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الله سبحانه وتعالى نريد القرآن dans le sens du verset: Et empressez-vous, dépêchez-vous vers une miséricorde d'Allah, vers un pardon de votre Seigneur et un paradis plus vaste que les cieux et la terre, qui est préparé pour les pieux. Qu'attend la personne qui n'a pas encore accompli son pèlerinage obligatoire après avoir entendu les versets coraniques et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'ordonne? Attend-il qu'il soit surpris par la mort en n'ayant même pas accompli cette obligation? Attend-il d'être éprouvé par la maladie ou d'atteindre un âge avancé qui vont l'empêcher de bouger, de faire un quelconque mouvement? Attend-il la pauvreté et d'être dans le besoin après avoir connu la richesse et en avoir les moyens? S'acquitter des ordres d'Allah Azza wa Jal et de s'empresser vers le pardon et le paradis, ceci se fait en ne traînant pas dans l'application des obéissances envers Allah Azza wa Jal, que ce soit pour les actes obligatoires ou les actes surérogatoires. Avant que ne descende sur la personne la mort et que son terme vient à venir, avant qu'il y ait des obstacles qui vont empêcher la personne d'accomplir le pèlerinage, comme la maladie, comme d'atteindre un âge avancé, comme d'être emprisonné, comme d'être touché par des troubles, comme les guerres qui n'empêchent les gens de pouvoir voyager dans la quiétude et l'apaisement. Cette personne n'a-t-elle pas entendu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Empressez-vous d'accomplir les actes avant que des troubles ne viennent, des troubles qui sont semblables à une nuit sombre où on ne voit plus devant nous, dans laquelle la personne le matin est croyant et le voilà le soir devenu mécréant, où la personne au soir était croyante et au matin le voilà devenu mécréant. Il vend sa religion pour un vil prix de ce bas monde, rapporté par Muslim. Donc faites bien attention aux serviteurs d'Allah, d'être feignants dans les adorations, d'être feignants dans l'accomplissement de cet ordre et de cet acte obligatoire qui est le pèlerinage, lorsque la personne, Allah lui a octroyé la bonne santé, Allah lui a facilité la subsistance et Allah lui a mis un chemin qui est dans la quiétude et l'apaisement, un chemin dans lequel il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de risque pour atteindre les lieux du pèlerinage. Comment une personne, un croyant, peut-elle être apaisée? Peut-il être apaisé? Peut-il être tranquille, se sentir à l'abri en ayant délaissé l'acte obligatoire du pèlerinage alors qu'il en avait les moyens, il en avait la capacité, que ce soit d'un point de vue matériel ou que ce soit d'un point de vue de santé? Et en sachant, il sait cette personne que cet acte fait partie des obligations de l'islam et des piliers de l'islam. Craignez Allah, ô serviteurs d'Allah, acquittez-vous des devoirs envers Allah Azza wa Jal, comme l'acte du pèlerinage, accomplissez-le en tant qu'adoration envers Allah, en étant satisfait de l'ordre et du jugement d'Allah, en écoute et obéissance de l'ordre d'Allah, si véritablement vous êtes des croyants. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن